Boom. Représente 72 centimes d'euros. Oh yeah, J'ai à peine 20 ans et j'ai déjà mon humeur en face et celui de mes parents. Je suis de bonne humeur car ils sont en cancer. En Californie, moi je pose mon flow sur mon R&B. Mais qu'est-ce que je kiffe ma life comme ça. On me dit qu'il y a des pauvres, mais moi je les vois pas. Moi j'ai de la thune, je suis jamais sur la page. J'ai une garde-robe et j'impose mon style. Tous les quarts d'heure je dois me changer. Et je sais que c'est comme ça que j'impose le respect. Oh. Baby, I love me. Qu'est-ce que je me donne envie? Qu'est-ce que je me donne envie? Oh baby, I love me. Je me kiffe, c'est de la folie. J'invite mes refrains, y'a quelques renois. Y'en a un ici que je vais laisser chanter. Et je suis très gentil, bon, il me l'a demandé. Le reggaeton donne sur le boom boom bastic. Après après baston boomba con est fantastique. Boomba les boomman man, dona doliprane. Assuma boom platan, son à la mégane. Rastaman. Je sais qu'on comprend pas tout ce qu'il veut dire. Moi je fais profil bas, je ne veux pas mourir. Oh baby, I love me. Qu'est-ce que tu dis, te kiffe. Je vous kiffe beaucoup aussi. C'est bien, je préfère ça petit. Oh baby, I love you. Je veux pas me prendre de coups. Oh oh oh yeah. J'ai une grande villa et aussi une piscine. Je fais des restos, j'invite des copines. Tenue exigée, string et maillot de bain. Elles ne disent rien quand je mets mes mains sur leur sein. Ce sont des bimbos qui travaillent dans le porno. Pas des intellos qui travaillent en hôpitaux. Elles y vont souvent pour se refaire les lolos. Entre nous, elles ont un QI de bigorno. Si je les fréquente, c'est pas pour leur QI. Je préfère les plans cul qui durent toute la nuit. Oui. Oh baby, I love you. Baby, I love you. J'suis ton bad boy, j'vaux le coup. Oh baby, tu me rends fou. Oui, tu me rends fou. J'suis membré comme un gnou. Oh baby, I love you. Baby, I love you. J'suis ton bad boy, j'vaux le coup. Oh baby, tu me rends fou. J'suis membré comme un gnou. Oh, oh, oh. Chérie, rentrez. Reggaeton ton, la la daronne. Merde les gars, on va devoir tout arrêter. Ah, ah, ah.